Chapitre 4. Tout le monde se portait bien. On ne pouvait attacher d'importance à ce goût bizarre dans la bouche dont se plaignait parfois Ivan Ilitch et à cette sensation de gêne qu'il éprouvait dans le côté gauche du ventre. Mais peu à peu, cette sensation de gêne, sans devenir une douleur, prit le caractère d'une lourdeur constante dans le côté et l'humeur d'Ivan Ilitch s'en ressentit. Sa mauvaise humeur, qui ne fit que croître, ne tarda pas à gâter la vie agréable, facile, insouciante, qu'était devenue celle de la famille Golovin. Les querelles devinrent de plus en plus fréquentes. C'est à peine si l'on parvint à sauver les apparences. Les scènes se multipliaient. De nouveau, il ne resta plus que les petits îlots, et encore peu nombreux, où le mari et la femme pouvaient passer quelques moments tranquilles. Praskovy Fedorovna disait, non sans raison maintenant, que son mari avait un caractère pénible. Avec sa manie de tout exagérer, elle prétendait qu'il avait toujours eu ce caractère et qu'il avait fallu sa bonté d'âme à elle pour le supporter 20 ans. Il est vrai que maintenant, dans leur querelle, c'était toujours lui qui commençait. Régulièrement, il se mettait à grogner au moment de se mettre à table ou bien au commencement du dîner, pendant le potage. Tantôt, c'était pour une assiette ébréchée, tantôt pour un plat qui ne lui plaisait pas, tantôt parce que son fils avait mis ses coudes sur la table ou à cause de la coiffure de sa fille. Et toujours, c'était la faute de Praskovy Fedorovna. Les premiers temps, elle lui tint tête et lui répondit avec violence. Mais à 2 reprises, au commencement des repas, il s'emporta si furieusement qu'elle comprit que c'était dû à un état maladif. Alors elle décida de ne plus lui répondre et se contenta de presser le dîner. Elle s'en fit un immense mérite. Comme elle avait décidé que son mari avait un caractère affreux et qu'il l'avait rendue extrêmement malheureuse, elle s'apitoya sur elle-même. Et plus elle se trouvait à plaindre, plus elle détestait son mari. Elle eût bien souhaité sa mort, mais alors les appointements auraient manqué. Et cela l'irritait davantage contre lui. Elle se jugeait très malheureuse, d'autant plus que la mort même ne pouvait la délivrer. Et elle s'irritait sans en rien laisser voir. Mais cette irritation muette augmentait la colère de son mari. Après une scène où Ivan Ilitch s'était montré particulièrement injuste, ce qu'il reconnut lui-même, mais en mettant son irritabilité excessive sur le compte de la maladie, elle déclara que puisqu'il était malade, il devait se soigner, et elle exigea de lui qu'il allât consulter un médecin célèbre. C'est ce qu'il fit. Tout se passa comme il s'y attendait, et comme cela se passe toujours. Attente prolongée, mine importante du docteur, cette même mine que lui, magistrat, savait si bien prendre. Auscultations, questions habituelles, réponses prévues et complètement inutiles, et cet air d'importance qui semble dire « Oh, vous autres clients, vous n'avez qu'à vous fier à vous. Nous allons arranger tout cela, chez nous tout est connu d'avance. C'est toujours la même chose avec tous, quel que soit le tempérament. » C'était tout à fait comme au tribunal. Les airs qu'il prenait, lui, vis-à-vis des accusés, le célèbre médecin les prenait vis-à-vis de lui. Le médecin lui dit « Telle et telle chose me font supposer cela et cela, mais si un examen plus approfondi ne justifiait pas ce diagnostic, il faudrait admettre que vous avez cela et cela. Et si on supposait cela et cela, alors, et ainsi de suite. » Pour Ivan Ilitch, une seule chose était importante. Son cas était-il grave ou non? Mais le médecin négligea cette question. À son avis, comme médecin, c'était là une préoccupation oiseuse qui ne méritait aucune attention. Il s'agissait seulement de décider à laquelle des hypothèses s'arrêtaient. Rein flottant, catarrhe chronique, lésion du gros intestin... La question de la vie d'Ivan Ilitch n'existait point. Il fallait décider seulement entre le rein flottant et le gros intestin. Dans cette discussion engagée en présence d'Ivan Ilitch, La question fut tranchée de la façon la plus brillante par le docteur, qui se prononça pour l'intestin, toutefois sous cette réserve que l'analyse de l'urine pouvait infirmer ce diagnostic et qu'alors, dans ce cas, il faudrait un nouvel examen. Tout cela était exactement ce qu'Ivan Ilitch avait fait lui-même des milliers de fois avec les accusés d'une manière aussi brillante. Non moins habilement, le médecin débita son résumé en jetant même par-dessus ses lunettes un regard de joyeux triomphe sur le prévenu. Du résumé du docteur, Ivan Ilitch conclut que cela allait mal, qu'il importait peu au docteur et peut-être à tout le monde qu'il en fût ainsi, mais que pour lui, ça allait mal. Cette conclusion frappa douloureusement Ivan Ilitch, éveilla en lui un sentiment infini de pitié pour lui-même et une haine profonde contre ces médecins si indifférents à une chose si importante. Mais il se leva en silence, mit l'argent sur la table et dit en soupirant « Oh, nous autres malades, probablement, nous vous posons souvent des questions déplacées, mais en général, mon état est-il dangereux ou non ?» Le médecin lui lança un regard sévère par-dessus ses lunettes. Ce regard semblait dire « Accusé, si vous sortez de la question, je serai obligé de vous faire amener hors de la salle d'audience. » Mais je vous ai déjà dit ce que je jugeais nécessaire et convenable de vous dire, répondit le médecin. Un nouvel examen complétera le diagnostic. Et il le salua. Ivan Ilitch sortit à pas lents, remonta tristement dans son traîneau et rentra chez lui. Pendant le trajet, il repassa dans sa tête les paroles du docteur, tâchant de débrouiller tout ce fatras pédantesque et de le traduire en un langage simple pour y trouver la réponse à cette question « Suis-je atteint gravement, très gravement, ou n'est-ce encore rien ?» De tout ce qui s'était passé, il conclut que le danger était grave. Et tout dans la rue lui parut triste. Les cochers étaient tristes. Tristes également les passants, les maisons, les magasins. La douleur sourde qu'il ressentait ne lui laissait pas une minute de répit et donnait une signification plus grave aux phrases ambiguës du médecin. Ivan Ilitch, avec une sensation pénible et nouvelle, se mit à observer son mal. Arrivé chez lui, il raconta tout à sa femme. Elle l'écouta patiemment, mais au milieu de son récit, sa fille entra, le chapeau sur la tête, prête à sortir. Elle s'assit à contre-cœur pour entendre le récit de son père, mais ni la mère ni la fille ne purent écouter jusqu'au bout. « Eh bien, je suis très contente, » dit la femme. « J'espère maintenant que tu vas te soigner et suivre ponctuellement les prescriptions du médecin. Donne-moi l'ordonnance. » J'enverrai Gerasim à la pharmacie. » Et elle alla faire sa toilette. Ivan Ilitch s'était essoufflé à parler pendant tout le temps que sa femme était restée là. Aussitôt qu'elle fut sortie, il poussa un profond soupir en se disant « Elle a peut-être raison, ce sera peut-être rien. » Il prit régulièrement les médicaments et suivit les prescriptions nouvelles données par elle après l'analyse de l'urine. Mais à la suite de cette analyse et des modifications qu'elle entraîna dans le traitement, il y eut confusion. On ne pouvait pas voir le médecin dont les instructions avaient été mal comprises. Peut-être aussi, soit oubli, soit négligence, n'avait-il pas indiqué clairement ce qu'il fallait faire. Peut-être avait-il caché quelque chose. En tout cas, Ivan Ivanovitch suivit continuellement son traitement et il y trouva une grande consolation. Son principal souci depuis qu'il avait consulté le médecin était de suivre scrupuleusement ses prescriptions tant hygiéniques que curatives et d'observer attentivement sa maladie et toutes les fonctions de son organisme. Les questions de santé, de maladie devinrent les seules qui l'intéressaient. Lorsqu'on parlait devant lui de personnes malades, mortes, convalescentes, surtout lorsqu'on citait des cas qui ressemblaient aux siens, il écoutait tranquillement, en apparence, en s'efforçant de cacher son émotion, et comparait tout ce qu'on lui disait avec son mal à lui. Ce mal ne diminuait pas, mais Ivan Ilitch s'appliquait à s'imaginer qu'il allait mieux. Lorsque rien ne le troublait, il pouvait se faire illusion. Mais à la moindre dispute avec sa femme, au moindre ennui dans son service, à une mauvaise partie de cartes, le mal se faisait sentir. Auparavant, chaque fois que survenait une de ces petites misères, il s'en consolait en se disant que les choses s'arrangeraient, que les obstacles finiraient par céder, qu'il réussirait à la première occasion, mais maintenant, le moindre accroc le décourageait et le désespérait. Il se disait « Ah, voilà, je commençais à aller mieux, les remèdes commençaient à agir, lorsque ce maudit malheur ou ce désagrément, et il s'emportait contre les choses ou les gens qui le tracassaient ainsi, et il sentait que cette colère le tuait, mais il ne pouvait se maîtriser. » Il aurait dû voir clairement que cette irritation contre les choses et les gens ne faisait qu'accroître son mal, que le mieux était de ne pas faire attention à ses ennuis, mais il faisait juste le contraire. Il se disait qu'il avait besoin de calme, mais il cherchait toutes les occasions d'irritation, et dès qu'il en avait trouvé une, il s'enflammait. Ce qui aggravait encore son état, c'était la lecture des livres de médecine, et ses visites chez les médecins. Son mal suivait un cours si régulier qu'il lui était facile de se faire illusion en comparant un jour avec le précédent, tant la différence était petite. Mais lorsqu'il consultait les médecins, il lui semblait que tout allait plus mal et que les progrès de la maladie étaient très rapides. Malgré cela, il continuait à les consulter. Dans le courant du même mois, il alla voir une autre célébrité médicale. Cette seconde célébrité s'exprima presque de la même façon que la première, mais en posant ses questions autrement. Cette nouvelle consultation ne fit qu'augmenter les doutes et la crainte d'Ivan Ilitch. Un ami d'un de ses amis, un très bon médecin, diagnostiqua une toute autre maladie et, tout en promettant la guérison, il embrouilla tellement Ivan Ilitch par ses questions et ses hypothèses que celui-ci n'en fut que plus anxieux. Un homéopathe trouva encore un nouveau nom à sa maladie et lui ordonna quelque chose qu'il avala consciencieusement pendant une semaine à l'insu de tous. Mais au bout de 8 jours, ne se trouvant pas mieux, il perdit toute confiance dans ce traitement ainsi que dans les précédents, et il devint encore plus triste. Un jour, une dame de leurs amis lui raconta une guérison miraculeuse obtenue par les icônes. Ivan Ilitch se surprit à l'écouter avec attention et à analyser la possibilité d'un tel fait. Il en fut effrayé. « Oh, est-il possible ?» « Que j'ai tellement baissé !» pensa-t-il. « Ce n'est rien, bêtise, que tout cela, il ne faut pas être aussi pessimiste. Je vais m'en tenir à un seul médecin et suivre rigoureusement son traitement. C'est chose décidée. Je n'y penserai plus et jusqu'à l'été, je suivrai le même traitement. Après, nous verrons. Mais maintenant, il n'est plus d'indécision. » C'était facile à dire, mais difficile à faire. Sa douleur au côté était de plus en plus vive et persistante. Le goût désagréable qu'il sentait dans sa bouche s'accentuait davantage. Son haleine devenait fétide et son appétit diminuait en même temps que ses forces. On ne pouvait s'y tromper. Il se passait en lui quelque chose d'inattendu et de mystérieux, quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé jusqu'à présent. Lui seul en avait confiance, et tous ceux qui l'entouraient ne le comprenaient pas ou ne voulaient pas le comprendre, et continuaient à penser que tout allait bien. C'était là ce qui le faisait le plus souffrir. Les siens, surtout sa femme et sa fille, qui étaient en pleine saison mondaine, ne remarquaient rien et se montraient contrariés de sa mauvaise humeur et de ses exigences, comme s'il y avait eu là quelque malignité de sa part. Malgré leurs efforts pour dissimuler, ils voyaient bien qu'il leur était à charge, que sa femme avait son opinion toute faite sur sa maladie et qu'elle n'en déborderait pas, quoi qu'il pût faire ou dire. Cette opinion, voici comment elle l'exprimait. « Ah, vous savez, disait-elle à ses amis, Ivan Ilitch ne peut pas, comme le ferait tout homme raisonnable, suivre aucun traitement avec ponctualité. Aujourd'hui, il prend ses remèdes, mange ce qu'on lui a prescrit, se couche de bonne heure, mais demain, si je n'y veille pas, il oubliera ses gouttes, mangera de l'esturgeon qui lui est défendu, et s'attardera à la table de jeu. » Mais voyons, quand cela m'est-il arrivé, répliquait avec humeur Ivan Ilitch. Une fois seulement chez Piotr Ivanovitch. Et hier avec Chebec. Ma douleur m'empêchait de dormir. Oh, oh, il y a toujours une excuse, seulement tu guériras jamais et tu feras que nous tourmenter. Praskovie Fedorovna était convaincue, et elle le disait à tout venant, et à Ivan Ilitch lui-même, que cette maladie n'était qu'un nouveau moyen choisi par son mari pour lui gâter l'existence. Ivan Ilitch sentait la sincérité de cette conviction, et il ne s'en portait pas mieux. Au tribunal, il lui semblait aussi que la façon d'être à son égard avait changé. Tantôt, on le considérait comme un homme dont la place sera bientôt vacante, tantôt on le raillait de son hypocondrie, comme si cette chose épouvantable, inattendue, qui lui rongeait les entrailles et l'entraînait irrésistiblement, n'était qu'un agréable sujet de raillerie. C'était surtout Schwartz, avec sa gaieté, son exubérance, ses manières d'homme comme il faut, qui lui rappelait ce qu'il était lui-même 10 années auparavant, qui l'irritait particulièrement. Des amis se réunissent pour une partie de cartes, on s'assoit, on donne les cartes. Les carreaux sont dans la même main, il y en a 7. Son partenaire annonce sans atout et soutient 2 carreaux. Mais que faut-il de plus pour se sentir d'humeur joyeuse ? Schlemm ! Mais soudain, Ivan Ilitch est repris par sa douleur, par ce goût dans la bouche, et il lui paraît bien puéril de se réjouir de ce schlemm. Il regarde Mikhail Mikhailovitch, son partenaire. Il le voit qui frappe la table de sa main d'homme sanguin et lui abandonne d'un air d'amabilité et de condescendance le plaisir de prendre les levées. Il pousse même les cartes vers Ivan Ilitch afin qu'il ait le plaisir de les prendre sans se fatiguer. « Me croit-il trop faible pour étendre la main ?» se demande Ivan Ilitch. Et il couvre les atouts en garde un de trop et il marque le schlemm de 3 levées. Le plus terrible, c'est qu'il s'aperçoit du mécontentement de Mikhail Mikhailovitch, tandis que lui demeure indifférent. N'est-ce point un mauvais signe que cette indifférence? Tous remarquent qu'il souffre et lui disent « Oh, nous pouvons interrompre la partie si vous êtes fatigué, reposez-vous donc. » Se reposer, mais il n'est point fatigué. Il finira le robe. Tout le monde est morne et silencieux. Ivan Ilitch comprend très bien que c'est lui qui est cause de cette gêne et qu'il ne peut pas la dissiper. On soupe, on se sépare. Ivan Ilitch, resté seul, se perçoit de plus en plus que sa vie est empoisonnée, qu'il l'empoisonne lui-même et empoisonne celle des autres, et que ce poison, loin de s'affaiblir, gagne de plus en plus tout son être. Avec cette pensée, sa douleur physique, sa frayeur, il fallait se coucher pour passer la plupart du temps une nuit blanche à cause de son mal. Le lendemain matin, Il fallait se lever de nouveau, s'habiller, aller au tribunal, parler, écrire, ou bien rester à la maison, à compter une par une 24 heures dont chacune était pour lui un long tourment. Il fallait vivre ainsi, au bord d'un abîme, seul, sans avoir près de soi un être capable de vous comprendre, de vous soulager. Chapitre 5. Ainsi s'écoulèrent un mois, deux mois. Avant le nouvel an, son beau-frère vint les voir et resta quelques jours chez eux. Lorsqu'il arriva, Ivan Ilitch se trouvait en ce moment au tribunal et Praskovi Fedorovna était à faire ses courses. En rentrant, Ivan Ilitch trouva son beau-frère, un homme fort et sanguin, occupé à défaire sa malle lui-même. En entendant les pas d'Ivan Ilitch, il releva la tête et sans mot dire le regarda une seconde. Il ouvrit la bouche, puis retint un cri. Ivan Ilitch comprit. « Je suis changé, » dit-il. « Oui, un peu. » Ivan Ilitch eut beau s'efforcer de ramener la conversation sur sa santé, le beau-frère s'arrangea pour éluder ce sujet. Praskovi Fyodorovna rentra, et le beau-frère alla la rejoindre, et Ivan Ilitch ferma la porte à clé et se mit à se regarder dans le miroir, d'abord de face, ensuite de profil. Il prit un portrait de lui où il était représenté avec sa femme et le compara avec l'image que lui reflétait son miroir. Le changement était immense. Il releva sa manche de chemise jusqu'au coude, examina son bras, rabaissa sa manche, s'assit sur le divan et devint plus sombre que la nuit. « Oh non, non, pas ça !» se disait-il. Il se leva vivement, s'approcha de sa table, prit un dossier et essaya de le lire, mais ne put continuer. Il ouvrit la porte et se dirigea vers le salon. La porte du second salon était fermée. Il s'en approcha sur la pointe des pieds et tendit l'oreille. « Non, tu exagères !» disait Praskovi Fedorovna. « Comment j'exagère, mais tu vois donc pas que c'est un homme mort. Regarde ses yeux, comme ils sont ternes. Mais qu'est-ce qu'il a ?»« Mais personne ne le sait. Nikolaïev, un nouveau médecin, a dit quelque chose que je ne comprends pas. Lechitsitsky, c'était le célèbre docteur, dit le contraire. » Ivan Ilitch s'éloigna, rentra chez lui, se coucha et se répéta « le rein flottant ». Il se rappela tout ce que lui avaient dit les médecins sur la manière dont il s'était détaché, dont il flottait. Par un effort de son imagination, il voulait le saisir, l'arrêter, le fixer. Il y aurait si peu à faire, lui semblait-il. Non, je retournerai chez Piotr Ivanovitch. C'était cet ami dont l'ami était médecin. Il sonna, ordonna d'atteler, s'apprêta à sortir. Où vas-tu, Jean ? Demanda sa femme avec une expression de tristesse et de bonté inaccoutumée. Cette bonté passagère l'irrita. Il la regarda d'un air morne. J'ai besoin de voir Piotr Ivanovitch. Il alla donc chez l'ami dont l'ami était médecin. Ils se rendirent ensemble chez le docteur. Ils le trouvèrent, et Ivan Ilitch s'entretint longuement avec lui. Après avoir examiné au point de vue anatomique et physiologique ce que lui avait dit le docteur, il finit par comprendre. Il y avait une toute petite chose dans l'intestin aveugle, un rien. Cela pouvait très bien s'arranger. Si l'on renforçait l'énergie d'un organe en diminuant l'activité de l'autre, la nutrition deviendrait normale et l'équilibre se rétablirait. Il fut un peu en retard pour le dîner. Il mangea, causa gaiement, mais il ne pouvait se résoudre à se retirer dans son cabinet de travail. À la fin, il s'y décida et aussitôt se mit à la besogne. Il lisait des dossiers, travaillait, mais l'idée qu'il avait une affaire urgente, importante, personnelle, dont il s'occuperait ensuite, ne le quittait pas. Quand il eut terminé, il se rappela que cette affaire personnelle était l'état de son intestin. Mais prenant sur soi, il se rendit au salon pour le thé. Il y avait du monde. On causait, on jouait du piano, on chantait. Le prétendant de sa fille était là. Comme le remarqua Praskovie Fedorovna, Ivan Ilitch passa la soirée plus joyeusement que d'habitude. Cependant, pas un instant, il n'oubliait qu'il avait à se préoccuper sérieusement de son intestin. À 11 heures, il prit congé de ses hôtes et se retira dans sa chambre. Depuis qu'il était malade, il dormait seul dans une petite pièce contiguë à son cabinet. Il se déshabilla et prit un roman de Zola, mais au lieu de lire, il se mit à songer. Dans son imagination, il se représentait la guérison si ardemment désirée de son intestin. Assimilation, sécrétion, fonctionnement régulier, oui, tout est là, se disait-il, il n'y a qu'à aider la nature. Ah, il se rappela qu'il avait une potion à prendre. Il se leva et prit son remède, puis il se coucha sur le dos, observant l'effet du remède et le soulagement qu'il amenait par degrés. Il n'y a qu'à suivre le traitement avec régularité et à éviter toute influence nuisible. Je me sens déjà mieux, beaucoup mieux. Il toucha son côté et n'éprouva aucune douleur. « Tiens, je ne le sens plus. Moi, je me trouve vraiment mieux. » Il éteignit la bougie et se coucha sur le côté. « L'intestin va mieux, l'assimilation se fait. » Tout à coup, il éprouva la douleur connue, sourde, lancinante, persistante, et dans la bouche le même dégoût. Le cœur lui manqua, un vertige le prit. « Oh, mon Dieu !» s'écria-t-il, « encore, encore, mais cela ne me quittera donc jamais !» Subitement, ses pensées prirent une autre orientation. L'intestin, le rein, se dit-il, il s'agit là ni de rein ni d'intestin. Il s'agit de la vie et de la mort, oui. La vie est elle, elle s'en va. Elle s'en va, je ne puis la retenir. Oh oui, pourquoi se faire des illusions? N'est-ce pas clair pour tout le monde, sauf pour moi, que je me meurs et que ce n'est plus maintenant qu'une question de semaine, de jours, tout à l'heure peut-être. Les ténèbres ont remplacé la lumière. J'étais ici et maintenant je m'en vais. Où ? Son corps se glaça, sa respiration s'arrêta. Il n'entendait que les battements de son cœur. Moi, je ne serai plus, mais qu'arrivera-t-il ? Rien ne sera. Où serai-je quand je ne serai plus là ? Serait-ce la mort ? Non, je ne veux pas. Et il bondit, voulut allumer la bougie, chercha les allumettes d'une main tremblante, fit tomber par terre le bougeoir et de nouveau se rejeta sur ses oreillers. Oh, pourquoi, quoi bon ? Se disait-il, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. La mort, oui, la mort. Et eux, tous n'en savent rien. Ils ne veulent pas le savoir et ne me plaignent pas. Ils jouent. À travers la porte, il entendait un bruit lointain de voix et de ritournelles. Cela leur est bien égal. Pourtant, eux aussi mourront, les imbéciles. D'abord mon tour, après le leur. Et ils rient, ces brutes. La colère l'étouffait. Il souffrait le martyr. Ce n'est pas possible que tout le monde soit condamné aux mêmes horreurs. Il se leva encore une fois. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se calmer. remonté au commencement. Il se mit à songer. Oui, le début de ma maladie. Je me suis donné un coup au côté, sans rien éprouver d'extraordinaire, seulement une petite douleur sourde. Puis cela s'est aggravé. Puis le médecin, la mélancolie, l'angoisse, de nouveau le médecin. Et je m'approchais de plus en plus de l'abîme. Les forces diminuent. Plus près, me voilà épuisé. Mes yeux sont devenus ternes. C'est la mort et moi, je ne pense qu'à mon intestin. Je ne pense qu'à guérir mon intestin et c'est la mort. Mais est-ce la mort ? Il fut repris de terreur. Tout haletant, il se baissa, chercha les allumettes, heurta la table de nuit, se fit mal, et dans un mouvement de colère, la poussa fortement et la renversa. Épouvanté, sans souffle, il se jeta sur le dos, attendant la fin. En ce moment, les visiteurs se retiraient. Praskovi Fedorovna, qui le reconduisait, ayant entendu le bruit de la chute, entra. « Qu'as-tu ? Oh, rien, j'ai renversé sans le vouloir. » Elle le sortit et revint avec une bougie. Il était couché et soufflait comme un homme qui avait une verste en courant. Il la regardait d'un œil fixe. « Mais qu'as-tu, Jean ?» « Oh, il a laissé tomber. Oh, quoi bon parler, elle ne comprendra pas, » se dit-il. Elle ne comprit pas, en effet. Elle releva la table, alluma une bougie et s'en alla précipitamment. Lorsqu'elle revint, il était dans la même position, les yeux fixés au plafond. « Mais qu'as-tu, te sens-tu plus mal ?»« Oui. » Elle secoua la tête et s'assit un instant. « Sais-tu, Jean, ne voudrait-il pas faire appeler Leszczyński ?» C'est-à-dire qu'elle voulait faire venir un médecin célèbre sans regarder à la dépense. Il sourit amèrement, répondit « Non. » Elle demeura un moment encore, s'approcha et lui mit un baiser sur le front. À ce moment, il la haïssait de toutes les forces de son être. Il dut faire un effort pour ne pas la repousser. « Bonsoir, tu vas dormir un peu ?»« Oui. » Chapitre 6. Ivan Ilitch se voyait mourir et était désespéré. Au fond de son âme, il savait qu'il allait mourir. Et non seulement il ne pouvait se faire à cette idée, mais il ne comprenait pas et ne pouvait pas comprendre. Il avait appris dans le traité de logique de Kiesewetter cet exemple de syllogisme. Caius est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Caius est mortel. Ce raisonnement lui paraissait tout à fait juste quand il s'agissait de Caius, mais non quand il s'agissait de lui-même. Il était question de Caius ou de l'homme en général, et alors c'était naturel. Mais lui, il n'était ni Caius ni l'homme en général. Il était un être à part. Il était Vania avec maman et papa, avec Mitya et Volodia, avec ses jouets, le cocher et la bonne, puis avec Katenka et avec toutes les joies, tous les chagrins et tous les enthousiasmes de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse. Est-ce que Caius avait jamais senti l'odeur de la balle en cuir que Vania aimait tant ? Caius avait-il jamais baisé la main de sa maman ? Avait-il eu du plaisir à entendre le froufrou de sa robe de soie ? Était-ce lui qui avait fait du tapage pour des petits gâteaux à l'école ? Était-ce Caius qui avait été amoureux ? Était-ce lui qui dirigeait si magistralement les débats du tribunal ? Caius est mortel, c'est certain, et il est naturel qu'il meure. Mais moi, Vania Ivan Ilitch, avec tous mes sentiments, toute mon intelligence, moi, c'est autre chose. Il n'est pas du tout naturel que je doive mourir, ce serait trop affreux. Il se disait, si je devais mourir comme Caius, je l'aurais su. Une voix intérieure m'en aurait informé, mais je n'ai jamais rien éprouvé de semblable. Et moi et mes amis, nous comprenions très bien qu'entre nous et Caius, il y avait une grande différence. Et maintenant, voilà ce qui arrive. Oh non, c'est impossible, impossible, et cela est, cependant. Mais comment, comment comprendre cela? Et en effet, il ne pouvait pas comprendre, et s'efforçait d'écarter cette pensée connue, fausse, injuste, maladive, pour la remplacer par d'autres plus saines et plus raisonnables. Mais cette pensée revenait de nouveau et se dressait devant lui, non comme une pensée, mais comme la réalité. Il appelait à son secours d'autres raisonnements, dans l'espoir d'y trouver un appui. Il s'efforçait de se raccrocher à ces pensées primitives qui lui cachaient l'image de la mort. Mais, chose étrange, tout ce qu'il dissimulait autrefois, l'idée de la mort, se l'éloignait, la dissipait. Il n'avait plus aujourd'hui le même pouvoir. Les derniers temps, Ivan Ilitch s'épuisait à reconstituer la série de ses anciennes sensations qui lui cachaient la mort. Parfois, il se disait « Oh, je vais m'adonner tout entier à mon service, autrefois il était toute ma vie. » Et chassant de lui tous ses doutes, il allait au tribunal, causait avec ses collègues, s'asseyait comme jadis, en jetant sur la foule un regard pensif et distrait, ses deux mains maigries appuyées sur les bras de son fauteuil de chêne. Puis, se penchant comme d'habitude vers l'assesseur, il feuilletait le dossier, parlait à voix basse, et tout à coup il prononçait les paroles habituelles et ouvrait la séance. Mais soudain, sa douleur au côté le reprenait sans nul souci de l'affaire, et commençait son œuvre à elle. Ivan Ilitch, anxieux, essayait d'en écarter la pensée, mais elle ne cédait pas, et surgissait devant lui et le regardait. Il se raidissait, ses yeux s'éteignaient, et il recommençait à se demander « Mais n'y a-t-il qu'elle de vrai ?» Ses collègues et ses subordonnés considéraient qu'avec un douloureux étonnement, ce magistrat si fin, si brillant, qui s'embrouillait et commettait des erreurs. Il se secouait, cherchait à ressaisir le fil de ses idées et parvenait à grand-peine à mener l'audience jusqu'au bout. Il rentrait chez lui avec la triste conviction que ses fonctions, que son service ne pouvaient le délivrer d'elle. Ce qui était terrible, c'est qu'elle l'attirait, non pour l'occuper, mais seulement pour qu'il la regardât bien en face, sans rien pouvoir faire et en souffrant atrocement. Pour échapper à cet état, Ivan Ilitch cherchait une consolation, d'autres écrans, et ces écrans venaient pour un temps à son secours et paraissaient le sauver. Mais aussitôt, sans s'effacer complètement, il la laissait transparaître, comme si elle le traversait tous et que rien ne pût la recacher. Les derniers temps, il lui arrivait d'entrer dans le salon qu'il avait meublé, dans ce salon où il avait fait cette chute, et pour lequel, comme il se le disait avec amertume, il avait sacrifié sa vie, car il savait que cette chute datait sa maladie. Il entrait et remarquait une rayure comme une entaille sur la table vernie. Il en cherchait la cause. C'était l'un des coins en bronze de l'album qui était sorti et faisait saillie. Il prenait l'album, ce précieux album composé par lui avec tant d'amour, et se mettait en colère contre sa fille et ses amis qui par négligence abîmaient les coins ou retournaient les photographies, et il remettait tout en ordre et replaçait le coin de bronze. Tout à coup, L'idée lui venait de transporter tout cet établissement avec les albums dans un coin du salon, tout près des fleurs. Il sonnait le domestique, ou bien sa femme et sa fille venaient à son secours. Elle n'était pas de son avis et le contredisait, mais lui discutait. Mais tout allait bien tant qu'il ne songeait pas à elle, tant qu'elle n'apparaissait pas. Pendant qu'il déplaçait les meubles, sa femme lui disait « Laisse faire les domestiques, toi tu te feras encore mal. » Et soudain, elle apparaissait à travers l'écran et il la voyait. Elle apparaissait. Au premier moment, il espérait qu'elle allait disparaître. Mais malgré lui, il pensait à son mal. Toujours la même chose, la même douleur lancinante, et il ne pouvait plus l'oublier. Il la distinguait nettement derrière les fleurs. À quoi bon tout cela ? Oui, j'ai perdu ma vie pour ce rideau comme dans une bataille. Est-ce possible que c'est terrible et stupide ? Non, cela n'est pas possible, c'est impossible, et cependant, cela est. Il revenait dans son cabinet, se couchait et restait seul avec elle, face à face avec elle. Mais il n'avait rien à faire avec elle que de la regarder et frémir d'épouvante.